16. Le moteur Hercule. Avec l'occupation de ces usines par les Allemands, Gnome et Rhône vit son expertise disparaître. L'État ne disposant pas des ressources nécessaires pour financer le développement d'un nouveau moteur après la guerre, Snecma acheta à la société anglaise Bristol la licence du moteur Hercule, d'une puissance de plus de 2000 chevaux, afin de motoriser l'avion de transport Noratla. Ce fut le dernier moteur à piston fabriqué par la société, qui en produisit jusqu'en 1954.